Mais oui, raconter quelque chose, toujours, avec cette idée-là, quoi. Il faudra toujours qu'il y ait quand même quelque chose derrière, parce que j'ai pas envie qu'on sorte de mon travail sans se poser de questions. Bonjour, bonjour, vous êtes bien donc toujours évidemment sur Radio Libertaire et c'est bien Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation. Vous étiez accueilli par la voix de Marie-Pierre Howell, dont on entendra une interview tout à l'heure, c'était le petit 15 secondes qu'on a entendu. Et là, à l'instant, on vient d'entendre une musique d'Hikaru Hayashi, d'un film très très connu qui s'appelle L'île nue de Kaneto Shindo. Voilà, c'était notre entrée en matière, un nouveau générique comme toujours. Aujourd'hui, on s'est demandé, il y a 3 semaines, on s'est demandé quelle était la place des films d'animation créés dans les écoles, films de fin d'études, notamment dans les festivals, et toute la problématique qu'il y avait derrière. On pensait que ça allait faire tout un débat. Mais le débat était assez court, en tout cas en dehors de l'émission. C'est dommage, mais on espère toujours. Parce que le monde de l'animation est un petit peu mou et ne va pas assez suffisamment dans les débats. On verra ça un peu plus loin et un peu plus tard. J'espère qu'on continuera. Aujourd'hui, on va se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on fait après l'école. Parce que c'est bien bon de dire, oh, les films de fin d'études peuvent cartonner, ça peut marcher. Et puis, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait après l'école? On a pour ça plusieurs invités, vous allez voir. Et j'ai oublié de dire, c'est pas bien. J'ai oublié, donc c'était Bulle de rêve, c'était une émission de Florentine Grelier. D'Alexis Huneau. Ouais, on le fait bien maintenant. On a cette espèce de truc entre nous deux. Et que le numéro du studio, c'était le 01 43 71 89. 40. Voilà, vous pourrez avoir Florentine. Et si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose voilà, qu'on n'avait pas compris, enfin n'hésitez surtout pas. Donc, aujourd'hui, on a décidé, donc on a... ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose sur La Poudrière, qui est une école à Valence, qui est une école très importante. Ils sont à Valence, bien évidemment, je viens de le dire, ça c'est, voilà. Donc ça veut dire que Yannick Teninge et Laurent Pouvaré, qui sont notamment responsables, directeurs artistiques, c'est pas évident qu'ils viennent, donc on a hésité, on leur a demandé, c'était pas évident. Donc on s'est dit, on va le faire avec des étudiants, puis ça n'a pas été facile. Un pont de 14 juillet. Voilà, donc juillet, c'est pas simple. Plein de gens, voilà, qui étaient donc c'était pas évident. Donc on va avoir ici Camille Elvis et Mathieu Brisebras qui vont nous parler un petit peu de leur parcours, avec deux parcours a priori bien différents. Camille Elvis a été notamment sélectionnée au Festival d'Annecy avec son premier court-métrage professionnel. Mathieu Brisebras va nous raconter son parcours qui est quand même assez étonnant parce qu'il a fait et La Cambre, qui est une école en Belgique où c'est déjà 5 ans, et ensuite La Poudrière où c'est 2 ans, donc il va nous parler un petit peu de ça. On va avoir alors une interview que j'ai enregistrée il y a un bout de temps de Marie-Pierre Howell, qui a réalisé Mémoire de chiffon et qui avait eu un prix notamment au Festival de Bru de l'AFCA. Peut-être, si le temps nous le permet, mais je suis pas sûr que le temps nous le permette, une interview de Yann Volzy, et dans ce cas-là je la remettrai sur le site si on n'a pas le temps de l'écouter, qui est le metteur en son et en musique d'un film qui s'appelle M'échapper de son regard, de La Poudrière aussi, donc il travaille beaucoup avec La Poudrière. Et des fois les choses se passent bien, il y a des rencontres comme ça qui se font au hasard. Donc hier il y avait la star Florentine Grelier présentait son intégrale elle va m'en vouloir en plus, et lui, si je dis pas, c'était à Croc-Anime, oui. Donc c'était les after-shows. Les after-work. N'importe quoi. Les after-work, donc, de Croc-Anime. Très intéressant. Alors, au début, je voulais pas y aller parce que l'idée de réseau, elle nous parlait de choses comme ça. Moi, ça m'intéressait pas tellement. Mais finalement, c'était très sympathique. C'était très bien. Florentine, et puis, tu as pu rencontrer des gens. Et voilà. Bon. Et donc, le hasard a fait, je ne savais pas, que j'ai eu la chance de rencontrer Alice Boll. Bonjour, Alice. Qui est... Oui, bonjour. Voilà, qui est directement, hier soir, j'ai rencontré et elle me fait plaisir, voilà, d'être là aujourd'hui. Alice a fait l'EMK, elle va nous raconter l'EMC. Tout à fait, j'ai fait donc l'EMK donc en 2000, enfin je suis rentrée à l'EMK en 2004. Et l'EMK à ce moment-là, c'était encore 2 ans la 2D, et il y avait en annexe l'EMC en une année. Donc j'ai fait l'EMK et ensuite j'ai fait une année de 3D à l'EMC. Et maintenant, donc, je crois que c'est depuis 2 ou 3 ans, je veux pas dire de bêtises, mais l'EMK et l'EMC ont fusionné, et l'école se fait en 3 ans, et maintenant les élèves peuvent choisir leur cursus à partir de la deuxième année, il me semble. Et ils finissent, en fait, c'est la première année là où il y a c'est la première fois où des gens ont fait 3 ans. Voilà. À l'EMK, donc voilà. Bon, donc on va discuter un petit peu. Alors comme d'habitude, vous le savez, vous allez sur, je sais pas si tu l'as mis sur le site de Bulle de rêve. De quoi? Aujourd'hui. Non, j'ai pas mis à yes. jour. J'ai été plus à jour que Florentine, oui, ce qui n'arrive absolument jamais. Donc, faut en profiter. Donc vous allez sur thewebanim, thewebanim.com, et vous aurez des liens sur aussi bien les sites de Camille Elvis, Mathieu Brisebras, Marie-Pierre Well, Yann Volzy, et bien sûr d'Alice Boll, où vous pourrez voir, et vous allez sur son site, vous allez voir ce qu'elle fait en illustration, et vous allez, depuis pas longtemps, elle a un site Vimeo, elle a une chaîne Vimeo, en tout cas c'est depuis une vingtaine de jours, j'ai vu les vidéos. Oui, voilà, c'est vidéos. Un peu pour faire un site pseudo-web. Non, mais c'est très très bien, comme ça vous pouvez voir vous pouvez voir tous ses films de fin d'études. Et toujours sur son site, vous pouvez voir un bout de son film, un montage un peu différent, c'est ça, 5 minutes. Oui, c'est donc le film que j'ai réalisé après mes études à Dublin, au studio Barley Films, avec le producteur Barry O'Donoghue. Et le film, donc, il n'a pas souhaité qu'il soit intégralement sur Internet. Donc, il y a 5 minutes sur 7 minutes qui ont été diffusées sur Vimeo dans le cadre d'un festival des droits de l'homme à Dublin. Alors, foncez le voir, regardez-le. C'est un film qui est évidemment absolument dans l'actualité, malheureusement encore maintenant, qui parle d'un couple mixte, comme on dirait maintenant, avec un jeune homme africain qui voilà, se fait renvoyer de France. Donc c'est, on va en parler évidemment, et c'est absolument en ce moment complètement actuel, malheureusement. Donc on va parler de tout ça avec Alice, son attachement aussi. On en reparlera après. D'accord. On commence par l'agenda ? Si tu veux. Ok, allons-y alors avec l'agenda de Florentine. Un agenda assez court puisque bon, la période d'été est assez vide malheureusement en salle. Les gens sont sur les plages, pas beaucoup en salle. Donc je vais vous parler en vrac un peu des sorties cinéma qu'il y a cet été. J'ai arrêté de couper ton agenda. Non, je pense que de toute façon tu vas être obligé de les commenter. Et de quelques festivals, enfin, il y a pas grand chose. Bon, je vais commencer par une sortie cinéma. De toute façon, mercredi prochain sort Les Contes de la Nuit, donc qui est le dernier programme d'histoire courte de Michel Oslo, qui a la même esthétique, un peu de silhouette qu'on a pu voir dans Prince et Princesse. Par contre, cette fois-ci, c'est en numérique, en 3D et en relief. Donc voilà, du Michel Oslo. Avant que le relief meure, allez-y. Comme et le relief n'est plus pour longtemps, profitez-en. Et donc c'est Michel Oslo qui est un conteur là a repris plusieurs histoires de contes de différents pays et on retrouve bien son esthétique. Enfin j'avais juste vu un des films, il me semble qu'il a été diffusé à Meknès, et on retrouve Michel fidèle à lui-même. Donc mais allez le voir, c'est un programme assez beau qui se veut tout public et où justement il y a des choses un peu plus adultes, moins pour les enfants, donc assez novateur. Sinon ensuite pour les Parisiens, j'ai un peu cherché tout ce qui est forum d'images cinémathèque, voilà, l'été c'est off, il y a rien. Par contre, il y a l'enfance de l'art qui est toujours là, qui est un programme d'été qui commence justement le 20 juillet jusqu'au 11 octobre et donc qui est le dispositif qui réunit 17 salles d'ARS indépendantes à Paris, dont le Studio Ursuline dont on parle beaucoup, mais aussi le Grand Action, le Nouveau Latina, l'Archipel, il y a pas mal de salles. Oui, le Studio Ursuline qui on recevra je suis désolé, ils font des travaux. Voilà. Oui, c'est donc, ça. Ils faisaient un pot, j'y suis pas allé, je m'excuse en direct, c'est bien. Quand on a une émission de radio, on peut faire des choses comme ça en direct, on peut s'excuser, donc je suis désolé de pas être venu à Florian, parce que je serais venu volontiers, mais c'était une soirée, je pouvais pas. Et donc, on retrouvera le cinéma avec un beau hall d'entrée, tout voilà, fait, une passion numérique. Qui passe numérique et tout, donc voilà, une salle qu'il faut absolument, sauvegarder, donc il faut absolument y aller pour remplir le plus possible cette salle. Et donc pour l'enfance de l'art qui propose plutôt des programmes jeunes publics, cet été il y a 24 films dont pas mal d'animations. Et donc entre autres il y a Brisby, le secret de Nîmes de Don Bluth, Aller raconte de Jean-Christophe Roger, U de Grégoire Solotareff, Serge Elissade, Les Trois Brigands de Ayo Freitag, donc pas mal de longs métrages de plein de nationalités différentes. Et on a aussi pas mal de programmes de courts métrages comme La Flûte et le Grelot, Le Mulumenteur, enfin des programmes qu'on a pu, dont j'ai déjà parlé dans d'autres agendas en cours de l'année. Donc ça, c'est le programme est assez riche. Toutes les semaines, il y a une projection dans une des salles. Donc vous pouvez toujours aller voir l'animation. Pour ceux qui ne sont pas à la plage, vous pouvez aller voir. Puis je vois qu'il y a Patate aussi que t'as pas. Oui, il y a Patate. Il y a très mal. Allez, raconte, c'est vraiment bien. Hein. C'est plus pour les adolescents, je trouvais, pour les adultes que pour les enfants. Mais j'étais assez surpris du film. Voilà. Et donc le samedi 23 juillet, vous pourrez voir la vieille dame et les pigeons et les tripettes de Belleville de Sylvain Chaumet en plein air pour le cycle cinéma en plein air qui se passe à la Villette. Donc qui commence le 19 juillet, qui finit le 21 août et où il n'y a que cette soirée-là dédiée à l'animation. Ouais, non, on nous en voilà. Font une, hein, c'est vraiment rare. L'année dernière, il y avait Persepolis. Pareil, il y avait qu'un seul. Il y avait Persepolis. Là cette année, c'est Triplette et c'est leur 21e édition. Et toujours qu'un seul film d'animation. Ouais, faut pas trop leur demander, hein, les pauvres. Bon. Choisir du cinéma d'animation, c'est compliqué pour eux. Et puis, en tout cas, c'est bien samedi 23 juillet. C'est plutôt pas mal, là. Vous êtes au parc de la Villette, la Vienne des Mille Pigeons, vous allez avoir plein de pigeons autour de vous. Une espèce de concordance entre ce qui se passe sur l'écran et à l'extérieur. C'est plutôt bien. Donc, ensuite, nous avons deux sorties consécutives. Ah. Donc, le mercredi 27 juillet, Cars 2, qui est le Pixar de l'été, qui a été réalisé par, entre autres, John Lasseter et donc Brad Lewis et John Lasseter. Mais est-ce qu'il réalise encore John Lasseter? C'est le deuxième film qu'il a réalisé en fait pour Pixar, apparemment. Bah non. En tout cas, oui, il y a Toy Story Star, mais après il co-réalise là Cars déjà. 2. Oui, Cars, mais en fait sur j'ai été voir un peu sur internet et il est beaucoup mis en avant sur ce film là quoi, en disant que là c'est le film, enfin John Lasseter revient avec Cars 2, bon ça. Les coccinelles. Voilà. Et c'est le donc cinéma. Le 12e long métrage Pixar. Et cette année en 2011, les studios fêtent leur 25e anniversaire. Et donc bon, pour les chiffres, ils ont remporté en tout 26 Oscars et 6 Golden Globes. Et Cars avait le premier du nom avait remporté un Golden Globe. Mais vu les critiques sur Internet sur Cars 2, je suis pas sûre que il remporte grand-chose. Son premier était déjà pas très bon, puis Pixar avec celui-ci. Oui. Est fini depuis un bout de temps. Oui, je sais, c'est moi, je sais, pardon. Et donc, de toute façon, voilà, on enchaîne sur la semaine quand suivante. Même, le film le plus important. Les Schtroumpfs en 3D. Cet été, voilà, les Schtroumpfs en 3D. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur les Schtroumpfs en 3D. Ils ont refait tout le design, mais ils sont un peu pelucheux en 3D, bizarre. Enfin, ouais, ça n'a aucun intérêt. Allez voir les Muppets en fin d'année. Il y a un film avec les Muppets qui va être vraiment bien. Mais si, pour tous ceux qui collectionnent les Schtroumpfs et qui font du merchandising, enfin, le merchandising est relancé. Moi, j'ai une amie qui collectionne les trucs autour des Schtroumpfs, elle est très contente. Voilà. T'as une amie qui... Ok. Oui, c'est très bizarre. Non, après, pas de commentaire. Elle pourra écouter, on sait jamais. John Lasseter va pas écouter, je sais, donc... Puis même s'il écoutait, de toute façon, mais bon. Bon, on fait un petit saut en août et un petit saut à côté de Clermont-Ferrand à Billon ou Biome, je sais pas trop comment on le prononce, les 20 et 21 août pour les journées du film Bricolé, donc qui sont organisées par l'association La Maison aux Mille Images, dont fait partie Marie Pacou, donc réalisatrice qu'on a reçue l'année dernière. Et donc l'officiel veut donner envie aux spectateurs de faire des films. Donc l'idée, c'est que dans la sélection, ils ont sélectionné des films qui avaient un processus de fabrication simple où on pouvait se dire, bah, je peux faire la même chose, je peux m'y mettre. Des films astucieux, que ça soit amateur ou professionnel ou étudiant. Donc voilà, ça fait un peu un melting pot comme ça de projection. Et il y a aussi toute la partie atelier qui est très très importante, qui est aussi importante que les projections parce que ça donne, enfin, pour que les habitants et tous les gens qui aillent essayent de faire des films. Film fait maison. Marie n'est pas là, donc c'est un peu bricoler. C'est un peu traite, mais dire toujours qu'un film d'animation est. Enfin, on peut faire des films faciles. C'est quelque chose qu'il va falloir arrêter un petit peu aussi de dire. Mais non, je comprends la volonté de Marie, mais c'est vrai que d'un seul coup, dire toujours on peut faire un film aujourd'hui, c'est vraiment le grand truc en disant en deux jours, vous pouvez faire des films. Non, un film, c'est long, que ce soit en animation, en prise de vue réelle, faut penser au scénar, etc., etc. Donc faire des films, c'est très bien. L'idée est très bien. Il va falloir faire attention à un moment donné aussi de ne pas tomber dans cette facilité de dire allez. Le cinéma, tout le monde peut en faire. C'est comme la cuisine, hein, c'est comme tout. C'est pas une question de cinéma. On protège pas un cinéma ou un cinéma d'animation. La cuisine, oui, on peut faire une omelette facilement. Par contre, faire une très bonne omelette avec, voilà, enfin, etc. Ça prend du temps, faut connaître et ce genre de choses. Donc voilà. Mais c'est quand même une bonne initiative. Mais le festival est très beau. Non, c'est par rapport. Puis c'est assez chaleureux. Enfin, l'ambiance c'est. Ça, c'est par rapport au discours. Je parle pas du tout par rapport au festival. Faut absolument foncer si vous allez là-bas. Je suis sûr, il suffit de voir les vidéos sur internet. On sent que c'est vraiment le plaisir du cinéma puis, avant faut tout. Que ça puisse exister aussi les films, enfin encourager aussi cette production qui est parfois découragée justement par le fait qu'un film soit toujours long, qu'il y ait un budget toujours conséquent. Et c'est vrai que c'est parfois d'avoir un discours qui encourage comme ça, ça donne de l'espoir, même si parfois c'est aussi illusoire. Mais bon, faut faire la part des choses, mais effectivement, faut que ça existe aussi. Ah, parfait. Mouchez-le, Alexis. Non, c'est exactement, ça dit... Ok. Donc, je finis avec un film en salle, mercredi 24 août, One Piece Strong World, qui a été présenté pour le 50e festival d'Annecy, donc l'année dernière, c'était le One Piece qui était présenté, qui est en fait le 10e long-métrage donc, de ce manga à succès, qui a remporté... Enfin, c'est le plus gros succès à ce jour de la Toei. Au niveau long métrage. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, il a eu énormément d'entrées. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il le sort en Europe. Et en fait, c'est le 10e long métrage, mais c'est le premier qui a été vraiment écrit par l'auteur du manga Oda. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que il y a eu tout un truc autour. Et moi, je pense que c'est plutôt pour les fans du manga. Mais après avoir lu plusieurs choses sur internet, on peut aussi aller le voir sans trop connaître. Donc voilà, pourquoi pas. Ok. Et puis c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, c'est normal, c'est l'été. Il faut attendre la rentrée. Donc voilà. La semaine prochaine, juste je vous dis ça, c'est pas encore sûr, mais il se peut qu'il y ait normalement une émission. Alors je remercie Ariel comme ça au passage, merci beaucoup d'être là. Et normalement, donc Nicolas, d'après ce que je t'entendais, est de retour la semaine prochaine. Nicolas sera de retour la semaine prochaine, et après c'est moi qui prends la suite tout le mois d'août. Bon, donc on verra, merci. Donc si tu as une date à me proposer... Tu me le diras tout à l'heure. Ok, bah génial, merci. Déjà, nous peut-être la semaine prochaine, Florentine ne sera pas là, malheureusement, elle prend des vacances. Je serai à Vienne. Et oui, il y en a qui prennent des vacances, incroyable. Peut-être qu'on aura une émission la semaine prochaine. Bon, là, vous allez me détester pour une grande partie d'entre vous, je suis désolé. Car évidemment, c'est moi qui fais la partie musicale, et je suis toujours dans cette période métal qu'on avait vue il y a trois semaines. Alors, je vous évite, et on va faire un petit jeu avec Ariel, c'est-à-dire que vous auriez pu entendre ça. Et donc, Ariel, je vais juste demander de mettre le premier morceau, là, le troisième morceau, juste un tout petit peu. Voilà, vous auriez pu entendre ça. Ok, donc là, vous auriez pu entendre ça. C'est Frantic Amber, avec cette douce voix qui est Elisabeth. C'est une chanteuse. C'est un groupe suédois, norvégien, danois et une japonaise sont dedans. On vient d'écouter Wrath of Judgment. Mais j'aurais pu aussi vous faire écouter ça. Donc, le quatrième, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Alors normalement ça aurait dû dire un peu plus que ça, parce qu'on aurait dû entendre la voix de Laura Nicole, Lady City, un groupe qui s'est arrêté en 2008, un morceau de leur de fait. Tu veux que je réessaye? Ouais, je veux bien. Bah, on y va. Allons-y. Bon bah voilà, vous écoutiez donc Laura Nicole, très très belle voix de chanteuse, mais vous n'entendrez pas ça aujourd'hui, ça sera une émission spéciale à un groupe qui s'appelle I Wrestled, j'ai toujours du mal avec le R en anglais, I Wrestled a Bear Once, j'ai catché un ours une fois, voilà, avec la sublime Krista Cameron, vous allez entendre, donc aujourd'hui ça va être que ça. On va avoir trois morceaux, ça va être que ça. Donc vous écoutiez là Unwelcome Savior, Wrath of Judgment avant. Et là, on va écouter normalement un morceau qui s'appelle Test Like Kevin Bacon. Donc vous allez voir, c'est assez délirant. Et c'est elle qui chante tout le temps et ça part dans tous les sens. C'est comme si on avait mélangé Portishead, La Palme Death, un peu de jazz, un peu de Zappa, enfin, etc., etc. Donc on écoute en effet, c'est le morceau 5 et ça dure 3 minutes, le temps pour vous d'aller, je sais pas, ailleurs ou pour apprécier, j'espère, pour une certaine partie d'entre vous. À tout de suite. vous êtes toujours en effet sur Bulle de Rêve et Alice me demandait hors antenne, est-ce que c'est bien une femme qui chante ? Oui, oui, tout à fait. Pendant tout le long, Krista Cameron était, c'est bien elle qui chante tout le long, même quand ça hurle comme ça. Donc voilà, donc vous venez d'entendre I Wrestle a Bear Once et je suis désolé, vous entendrez encore deux morceaux de I Wrestle a Bear Once qui mélangent donc toute cette aussi bien de la pop du hardcore, enfin voilà, on est sur plein de choses complètement différentes. Alors je vais vous faire une petite présentation rapide puisqu'on n'a pas ni Laurent Pouvaret ni Annick Tenage de La Poudrière. Je vais peut-être pas lire tout, mais en tout cas voilà la présentation de La Poudrière selon le site internet. De folle image à La Poudrière. La Poudrière a ouvert ses portes à Valence en octobre 1999 à l'initiative de Jacques-Rémy Gérard, réalisateur et directeur général du studio Folle Image. Parce que la création est au cœur de l'enjeu concernant l'avenir du cinéma d'animation, parce que la formation est une contribution essentielle, parce que le temps est passé où la formation des créateurs et des réalisateurs reposait seulement sur le contact avec les anciens au sein même des studios, ça continue dans les parce que les enjeux économiques ont fractionné la production, parce que la France, pourtant premier producteur européen de films d'animation, n'offrait pas de formation de ce type, Folle Image s'est lancé dans l'aventure de cette école. La Poudrière a ainsi vu le jour, nourrie de l'histoire atypique de Folle Image et de l'amitié de grands réalisateurs, encouragée par la confiance des professionnels, portée par l'ambition de contribuer à la formation des talents qui poursuivront l'aventure du cinéma d'animation. L'école, qui n'a avec le studio voisin aucun lien administratif, financier et juridique, est fière de cette filiation de haute qualité. Donc on en parlera, ça, de cette filiation un peu étrange, où en effet, ils sont dans le même lieu, et pourtant ils sont dirigés par des gens complètement différents. Voilà. Matière première, donc l'idée c'est d'aiguiser sa curiosité. L'école de La Poudrière est un lieu où la culture générale est en éveil permanent et où règne une forme d'excitation intellectuelle constructive. C'est pour vendre l'école, hein. Forcément, si on avait quelqu'un en direct, peut-être qu'il ne tiendrait pas ce discours un peu formaté, mais bon voilà. Chacun vient confronter sa sensibilité, sa réflexion et son engagement dans une démarche d'ouverture et d'échange. S'approprier le cinéma, parce que le cinéma d'animation est avant tout du cinéma. En effet, les films, les salles accompagnent toute l'année les étudiants à La Poudrière, voir des films, s'en nourrir, rencontrer, dialoguer avec les hommes et les femmes qui les ont faits. Et réaliser des films d'animation, bien évidemment. La mission essentielle de cette école consiste à offrir aux étudiants la possibilité de prendre en charge globalement la réalisation de ces petits films, sans prescription de choix techniques particuliers. La narration est au cœur de la réalisation. Il s'agit de former des professionnels sachant raconter avec leur sensibilité personnelle et leur talent des émotions et histoires originales. Ça, c'est important. Parce qu'en effet, La Poudrière n'est pas là pour apprendre l'expérimentation, mais elle est là pour apprendre avant tout la narration. Donc la plupart des films qui sortent de La Poudrière vont être narratifs. Et pour finir, il s'agit de former des professionnels, donc ça je l'ai déjà dit. L'adaptation, les dialogues, la direction d'acteurs, l'approche sensible du son, de la musique, le montage, le mixage. Les étudiants réalisateurs sont confrontés à toutes les étapes de la réalisation. Et plutôt que d'avoir ce discours un petit peu, forcément, être sûr de présentation, on peut pas lui demander non plus de ne pas être comme ça très formaté, ou en tout cas d'avoir un certain style. On va écouter donc Marie-Pierre Rouel. Marie-Pierre Rouel, ça va durer là 26 minutes. C'est une jeune réalisatrice et elle va nous parler plus particulièrement de la formation de La Poudrière. C'est-à-dire qu'on va savoir, c'est une formation, elle va l'expliquer en deux ans et elle va nous expliquer un petit peu tout du long. J'ai coupé, c'est une interview qui dure deux heures, qu'on mettra par la suite. Florentine va la monter. J'arrive pas à la monter, donc Florentine va m'aider à la monter. On la mettra ensuite sur Bulle de Rêve et sur The Web Anime, bien évidemment. Et on parlera évidemment de son œuvre à elle, de ce qu'elle a fait. Mais là, vous allez avoir uniquement sur ce qu'est La Poudrière et ce qui fait la spécificité de La Poudrière. Donc on écoute réelle la piste 6 normalement qui fait 26 minutes. Je te remercie, on se retrouve juste après ça pour la suite de Bulle de Rêve. Merci.